Bonsoir. Ça va? Je m'appelle Fabergo et je vous souhaite la bienvenue sur ma planète. Rester sur ma planète, trop fait de plans sur la comète, trop eu la tête dans les étoiles, les pensées placées en orbite. J'ai trop rêvé en funambule, moi qui étends le vertige, tout au plus un peu somnambule, en haut d'une falaise qui s'érige dans mon atmosphère atypique, dans ma recherche de l'idyllique. Mais est-ce vraiment moi qui tombe à pic? Est-ce la théorie ou la pratique? La vie en routine me fait bondir, c'est dire si je flirte avec le vide. À force de jouer les martyrs, je commence à prendre à des rides. J'ai trop marché sur la lune avec mes compagnons d'infortune, mais ceux-là sont revenus sur terre. Je suis resté le seul corsaire. Je ne cède pas à la panique, mais ça prend des airs de Titanic. En mer ou dans l'air, le même constat, je n'ai toujours rien décroché pour toi. Hey, d'ailleurs toi, qui a bon dos, j'ai toujours pas ton numéro. Et encore une chanson pour l'absente, comme quoi l'évolution se fait lente. Mais je ne veux pas quitter le navire avant l'escale Eldorado, Byzance, Babylone dans mon vaisseau. Des airs, des terres, des flots, des mots. Et comme une poussière qui stationne, j'attends le vent comme une conne. Du carburant pour carburer vers je ne sais plus quel été. Solo. Mais je ne lâche pas la barre et je dis largue les amarres tout en restant éperdu, car tu es toujours la bienvenue. Et même si c'est pour rester clandestin, je ne me range pas dans le clan du destin. À moi seul appartiennent mes desseins, et que jeunesse fasse sur le mot de la fin, que jeunesse fasse, que jeunesse fasse, que jeunesse fasse, que jeunesse se fasse. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Merci.